Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, amateurs de bon rock progressif, et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Alors, c'est Marc Chaunet avec vous au choix musical et à l'animation, et Bruno, pour nos côtés, à la mise en onde. Et pour ces deux heures, on a des nouveautés tout au long de l'émission, des découvertes dans mon cas. Alors, on les partage avec vous, et cette découverte que j'ai faite récemment de Far Meadow, c'est un groupe britannique. Ça a été fondé à Londres et c'est leur troisième album. Leur premier était paru en 2012. Je pense qu'ils ont été fondés en 2002 et le second en 2016 et leur troisième donc Foreign Land, leur plus récent. Et l'album débute avec la pièce Travelodge qui est une longue suite. Donc c'est la pièce la plus prog de cet album-là, qui a quand même des accents folk un peu par moment. Vers la fin, là, c'est assez différent. Un bon album, là, déjà, il récolte de très bonnes critiques. Et ben, on va débuter avec cette pièce-là de ce groupe-là, de Far Meadow. Et également, on aura une nouvelle pièce là, de l'album de Big Big Train qui va paraître cette semaine, le 17, vendredi prochain. Et Big Big Train, on sait qu'ils sont très attendus. L'album Grand Tour, justement, ils vont faire une tournée avec ça. Et donc, cette pièce-là qui est sortie là, cette semaine, c'est Theodora in Green and Gold. Alors, on aura ça, The Big Big Train. On aura également plusieurs, en tout cas, comme je vous en parle, plusieurs nouveautés, mais on s'en reparle. On y va tout de suite avec en musique, d'abord avec The Far Meadow. We'll be right back. I wait for change. Maybe one day you'll smile. A glimpse of life in those distant eyes. Tell me surely now you notice me. How long can you remain just the girl behind your window? We should at least exchange our names. Your face, it retains that look of stone. The leaves dance around again. Winter's Shards of stone, hiding faded designs neath the surface. Reflections of light, keepers of souls. Of light. Come. CKRL, communication, culture. Samedi le 18 mai, nous avons de la grande visite à la brasserie artisanale La Korrigane. Amateurs de grands crus, Hopfenstark prend le contrôle de nos lignes. En exclusivité et pour une première fois à Québec. Hopfenstark, la microbrasserie québécoise au goût du monde, débarque en ville avec 11 bières qui raviront vos papilles. Une chance unique de goûter les produits d'une microbrasserie qui se démarque à l'international depuis plus de 10 ans. Tap Takeover de Hopfenstark à La Korrigane. Samedi le 18 mai dès l'ouverture. Brasserie artisanale La Korrigane, 380 rue Dorchester. Le 35e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tiendra du 16 au 19 mai 2019. Au programme, Peggy Lee, Peter Bratzman, Heather Lee, KG Hino, More Mother avec Roscoe Mitchell, Seniawa, The X et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concerts, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, 2 programmes de courts-métrages expérimentaux et une exposition d'art visuel. Du 16 au 19 mai 2019, venez vivre l'expérience du 35e FIMAV. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez le fimav.qc.ca. Et ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Big Big Train, de leur nouvel album qui va sortir le vendredi, qui s'en vient le 17 mai. Et c'était la pièce Theodora in Green and Gold. Et juste avant, la nouveauté, une belle nouveauté, franchement, là, très bon, The Far Meadow. Formation britannique, c'était un doublé britannique. Oh, pardon. Alors, oui, c'est ça, The Far Meadow et leur album Foreign Land, leur 3e album. Ça vient tout juste de paraître, là, et c'était la pièce Travelogue. On va vous parler un peu des spectacles qui s'en viennent. La semaine prochaine, nous, on sera au Festival Terra Incognita. J'imagine que la plupart d'entre vous y seraient aussi. Et ben, sinon, il y a Jacques et Vincent qui ont accepté de nous remplacer. Alors merci d'avance pour la semaine prochaine. Et puisque le Festival Terra Incognita, mais avant ça, il y aura également le Riverside qui s'en viennent là, cette semaine, le 14, à la salle Sylvain-Lelièvre. Et ils seront le lendemain au Club Soda à Montréal, le 15. Donc, Et ensuite, Terra Incognita, Bjorn Riss, Hawk, Basta, His, Airbag, Inner Odyssey, Fido et Finistère. Alors, oh, ça va être quelque chose. Juste, je commence à avoir des frissons. Il va y avoir le 31 juillet, le 1er juin, Prog Story au Palais Montcalm. Le 31 juillet, les Aristocrats, comme c'était à l'anti, mais comme ça s'est très bien vendu, mais ça va être au Dauteuil. C'est une plus grande salle, donc au Dauteuil sur Saint-Joseph. Ensuite, au mois d'août, c'est le 10 août, il y aura Arena, qui n'avait pas pu faire leur spectacle là, fin avril. Alors, ils seront à Jean-Paul Tardy. Ensuite, on a annoncé ça récemment. Il va y avoir Rick Wakeman qui vient faire un spectacle au Palais Montcalm de Grumpy Old Rockstar Tour. Rick Wakeman qui va jouer des pièces de Yes certainement, mais aussi de David Bowie, puisqu'il a joué sur des albums de David Bowie. Et autres pièces rock, on s'en doute, le 27 septembre. Ensuite, le 5 octobre, il y a The Deep Project avec Red Sand à la salle Sylvain Lelièvre. Là, il y a une pré-vente là, jusqu'au 21 septembre. $20 pour aller voir ces deux groupes de Québec, Deep Project et Red Sand. Ça a été annoncé récemment. Le 1er novembre, Kansas au Grand Théâtre. Il va y avoir King Crimson à Montréal le 17 septembre. Oui. The Pineapple Thief aussi au Palais Montcalm le 26 novembre avec Gavin Harrison. Et vous savez que maintenant c'est Nicolas Hull là, qui s'occupe de la programmation. Alors, c'est pas étonnant de voir des spectacles là, prog venir au Palais Montcalm. C'est vraiment super. Alors, on vous parle maintenant de Inventions, un nouvel album. Ça, c'est le projet de Christian Brune, celui qui est le batteur de Sky Architect. Il est dans In Stone's Close. Il y a plusieurs projets. Il y a un projet pour Inventions, le troisième sous ce nom-là. Logica, ça vient tout juste de paraître. Donc, lui, il est des Pays-Bas. Et alors, on ira avec la pièce titre de cet album-là. Ensuite, on a une deuxième, en fait, le nouveau Banco d'El Mutuo Soccorso. On avait une première pièce là en primeur, mais là, maintenant, il est sorti hier. Et il est vraiment bon, franchement, là. Le chanteur est décédé, c'est sûr que c'est un style différent, mais vraiment musicalement, même le chant, très bien. Donc, Banco d'El Mutuo Soccorso, un album... vraiment intéressant là, de ce groupe mythique. C'est leur 19e album. Là. Le groupe a été formé en 1969. Alors, le titre de l'album, c'est Transsiberiana. Banco del Mutuo Soccorso. On aura la pièce La Discesa del Treno, La Descente du Train, de Banco. Et on aura également un autre italien. Un deuxième extrait de cet album, The Conqueror. Je vous en avais présenté un premier extrait le mois dernier. C'est aussi avec un chant féminin. Et il y aura dans le troisième bloc aussi un prog avec le chant féminin, comme c'est le cas pour The Farm Mellow. On a plusieurs nouveautés des femmes qui chantent dans du prog. Puis on avait des petites intonations tantôt dans Farm Mellow, là, un peu comme Curved Air. Alors, bon, donc The Conqueror avec la pièce Un Disegno Perfetto. Ça, c'est de leur album In Orbita. C'est leur sixième là, depuis 2003. Alors, on y va tout de suite donc en musique avec Inventions de Christian Brune, Banco del Mutuo Soccorso et Conqueror. Change of either form or character. manner, our system of logic is constructed upon the basis of an exact summary of the fundamental laws of thought and language. It is deducible from the consideration of the operations of the mind in reasoning. Ultimately, the forms and processes of logic are mathematical. I thought the realm of dico ora, lo sai, questo ghiaccio impaziente che non ci vuole, che non conosce niente, che non ricorda più la direzione di chi viene e chi va. È un correre sul posto, fermi ed agitati come tempi al vento. Il treno si è fermato ora, lo sai, questo ghiaccio impaziente. Come tende al vento, in questo eterno bianco c'è un bianco dolore eterno ed infinito. blessed way. Light up in your eyes and mind. The visions be Cet été, sortez au cinéma Le Clap. Avec La Bonne Clap, voyez 5 films pour seulement 44,95. Disponible dans nos deux succursales de Sainte-Foy et Loretteville. L'offre prend fin le 30 juin. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! Vous aimez les groupes Logic et Lil Pump? I don't wanna be alive. Du 8 au 17 mai, commentez la page Facebook de CKRL et dites-nous avec qui vous voulez venir voir le concert de Logic et Lil Pump au FEC. Courez la chance de gagner deux cartes zone avant-scène pour le spectacle du 12 juillet. Tirage au hasard parmi les participants. Les gagnants seront dévoilés le 21 mai 17h30 en ouverture de l'émission Sortie culturelle en direct de la Corrigan. Alors, de retour avec Bruno et Marc, c'est l'émission Terra Incognita. Et ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était un groupe du Québec, Vigar. Leur album, leur premier album, The Inner High, c'était la pièce titre. Et juste avant, c'était Banco del Mutuo Soccorso de l'Italie, avec un extrait de leur nouvel album là, qui vient de sortir hier. L'album Transsiberiana. Transsiberiana. Alors, on poursuit maintenant. J'ai eu un petit changement de programme là, avec le temps, avec Conqueror, là, dont je vous avais parlé, de l'album In Orbita, de l'Italie, évidemment. Et ce sera suivi de la nouveauté de Mostly Autumn. L'album vient de nous apparaître, là, de paraître White Rainbow, leur 13e album. Et en fait, je dis ça parce que j'ai vu des informations qui disaient que l'album était de 2018, alors qu'on vient tout juste d'en entendre parler il y a très peu de temps. Donc, Mostly Autumn, il y a la très belle pièce White Rainbow qu'on écoutera. Donc, ce prochain bloc musical avec Conqueror et Mostly Autumn. Se solo io riuscissi a portare indietro il tempo, io rivedrei ancora una volta quel disegno così perfetto, ma così vero. Thank you. serenità dell'animo si scambia col dolore del passato che non torna indietro. Diventa più lontano. Cresce però sempre di più la consapevolezza degli eventi che continuano a rincorrersi, affrontati con un cuore nuovo, con dei nuovi occhi pronti a guardare avanti. Thank you. passed the time, we passed the time, the time just drinking. The dungeon guild, a fire ablaze, remembering the laughter high, the tones were true, and we were the same. Thank you. All water. Wake up, girl, we're heading home to fix the jigsaw puzzles on the floor. Wake up, girl, we're heading home to check the seeds we planted in the summer. And you'll always bring the sunshine with your smile. And you'll always be the sunshine in our hearts. Wake up, girl, we're heading home to pick you up and hang you upside. CKRL, communication, culture. Venez rencontrer l'équipe de Garda World lors d'une journée de recrutement pour des postes en sécurité. Il n'est pas nécessaire d'être détenteur du permis BSP. Notre équipe sera aux Galeries de la Capitale le 14 mai de 11h à 18h au lunch de l'espace gourmet. Venez également nous rencontrer à notre bureau de l'Ancienne Lorette le 15 mai de 9h à 17h au 1160 rue Vallée. Au plaisir de vous voir. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Amazing Grace, Ask Dr. Ruth, Le Chant d'une Sœur, Empathie, Gaza, Les Invisibles, John McEnroe, L'Empire de la Perfection, Mon Père et sa Mélancolie, La Petite Mort, Pokémon Détective Pikachu, Sophia, Tolkien et Vocalité Vivante. Et au Clap Loretteville, Advocate, Arnaqueuse, Ask Dr. Ruth, Désarmez-nous, La Petite Mort, Pokémon Détective Pikachu, Pomme, La Grande Compétition, Les Sentinelles, The Hustle, Zach Ross et Zéro Phyto 100% Bio. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma! Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. Ce qu'on écoutait juste avant la pause, c'était Mostly Autumn du Royaume-Uni et la pièce-titre de leur nouvel album White Rainbow, un album de 2019. Là, évidemment, j'ai regardé tout ça, c'était probablement une confusion que j'avais vue sur un site. Mais ouais, c'est une nouveauté de 2019, Mostly Autumn. On avait également, juste avant, Conqueror, une autre nouveauté de 2019, de l'Italie, tirée de In Orbita, la pièce Un Disegno Perfetto. Alors, on poursuit maintenant avec une autre formation italienne, et c'est une autre nouveauté. Ça vient tout juste de sortir, là, Fungus Family. En fait, le groupe, c'est leur quatrième album. C'était Fungus, là. Michel en avait déjà fait jouer, me semble, à l'émission. Ils ont 4 albums depuis 2006, 2010, un en 2013 et puis là en 2019 là, sous vraiment le nom Fungus Family, l'album The Key of the Garden. Et on aura deux extraits là, dans ce dernier bloc musical de Fungus Family. On aura là, une pièce originale 2, Suite numéro 5. Et également, pour terminer l'émission, quand on fera une transition avec l'autoroute, on aura une autre pièce, mais qui est une reprise. On vous en parlera en fin de bloc. On aura également de l'Islande, Lucy in Blue, le très bon album, leur album In Flight, la pièce titre aussi. Puis on aura également un groupe du Brésil qui avait fait paraître un seul album, fondé en 1969, il avait fait paraître un seul album en 1974. Il s'agit de Ave Sangria. Et c'est un drôle de nom de groupe. Et là, ils viennent de faire paraître un nouvel album en 2019, Venda Vice. Alors, on y va avec la pièce O Poeta. C'est la pièce la plus... c'est toutes les autres, ça ne ressemble pas le reste des pièces par rapport à cette pièce-là. Celle-là est vraiment excellente, de Ave Sangria. Alors, on y va tout de suite à Fungus Family, Lucy in Blue, Ave Sangria. Thank you. running fast. Look out! Going insane, I always run away, which can never be the same. My poor pose under my stairs. Can you feel where the wise man sits and touches the wind? Hey, why the sky? Confusion of the fear. All you can do.